Merci de m'avoir invité. Je vais essayer de. Alors, de répondre à oui, certaines questions qui se posent autour de l'habité précaire. Moi, j'ai intitulé ma communication Les visages de la crise du logement. C'est vrai que je vais essayer de remonter un peu dans le temps. Je voudrais commencer par dire que la précarité gagne partout. Et moi, je suis professeure dans une université de banlieue, comme on dit, qui est l'université de Paris 8 Saint-Denis, qui est aussi populaire à d'autres égards, de par son public. Et je fais travailler mes étudiants en ce moment sur un programme que nous conduisons avec un bureau recherche du ministère du Logement. Enfin, il n'y a plus de ministère du Logement, mais c'est un ministère qui s'occupe aussi un tout petit peu du logement. Et on travaille dans les situations d'hébergement chez un tiers. Et à ma surprise, ça fait la deuxième année que je fais ça avec les étudiants, ils n'ont aucune difficulté à trouver des hébergés chez un tiers. Ça fait partie de la réalité de la vie étudiante, de la vie des jeunes, pas seulement des jeunes. Alors avec ses grandeurs et ses misères, je dirais, on fabrique des ressources aussi en bricolant des solutions logement. Mais évidemment, c'est tout de même une manifestation d'une précarisation qui gagne, et en particulier sur la question du logement. Alors, je dirais qu'il y a mille et une formes de l'habité précaire, malheureusement, enfin, il y en a beaucoup, et elles sont relativement connues. Donc, je ne propose pas de vous faire une liste, même détaillée ou argumentée, des différentes formes de l'habité précaire. Je vais les évoquer au cours de la présentation, mais disons que toutes ces formes font quand même référence à une violence sociale. Une violence sociale, et en particulier dans la position, disons, la plus démunie, la plus exposée, qui est celle d'habiter la rue, si on peut l'habiter, c'est évidemment la rue qui rend fou, et on n'est pas à la rue parce qu'on est fou. Mais ça, il faut le redire, parce que George Orwell, dans son petit livre de la Dèche de Paris à Londres, 1934, si ma mémoire est bonne, commence par là, disant, mais attention, ce sont des gens comme nous, comme vous et moi. La citation exacte, je l'ai quelque part, oui. Je ne prétends pas que les vagabonds soient tous des petits saints. Alors, vagabonds, parce qu'il parle de toutes les personnes qui sont privées de logement, privées de logement fixe. Je dis simplement que ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et s'ils ne sont pas tout à fait comme vous et moi, c'est le résultat et non la cause de leur mode de vie. Alors, voilà, ça va mieux en le disant. Il y a deux grands types tout de même d'habités précaires, je dirais, historiquement et aujourd'hui encore. Je distinguerais un secteur traditionnel entre hospitalité et exploitation, hein, du marchand de sommeil à l'hôtelière accueillante. Bon, c'est tout ce secteur commercial, les hôtels meublés, mais c'est aussi l'habitat chez un tiers, bien sûr. Habiter chez quelqu'un, c'est voilà, la chambre qu'on prête ou qu'on loue, ou le petit espace qu'on va ouvrir à un hôte de passage. Et puis, il y a l'habitat, le secteur précaire institutionnel. Je distingue bien les deux, traditionnel et institutionnel, qui, comme vous le savez, se développe un petit peu comme une maladie, en même temps nécessaire. C'est très paradoxal. C'est un secteur qui doit faire l'objet d'une refondation, hein, un programme de refondation du ministre Bruno Apparu sur le logement temporaire ou l'hébergement. Et en réalité, qui n'est jamais suffisant pour faire face à la demande, pour faire face aux besoins. Il manquerait au moins 10 000 places en Ile-de-France. Et je ne sais pas si vous avez entendu l'autre jour sur France Inter un reportage sur Rennes, et une travailleuse sociale en larmes disant qu'elle ne peut plus répondre à l'urgence et que ce n'est pas l'idée qu'elle se faisait de son métier. Donc le compte n'y est pas, comme disent les associations, et des collectifs se sont créés, en particulier particulier avec la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, pour faire valoir un peu la nécessité de répondre à minima à la demande. Autre chiffre pour faire le point, il y a environ 15 000 ménages prioritaires d'ALO, ça veut dire qui ont été acceptés comme prioritaires par les commissions mettant en œuvre le droit au logement opposable, qui ne sont pas relogés. Ils ont beau être prioritaires, ils ont beau être acceptés par la commission de médiation, ils ne sont toujours pas relogés. Donc voilà, il y a un problème. Cette situation difficile, je fais une longue introduction, cette situation difficile d'un déséquilibre profond entre l'offre et la demande de logement contribue aussi à quelque chose d'assez dangereux qui est le brouillage des frontières entre hébergement et logement. Autrement dit, entre logement de droit commun, garanti par les lois qui assurent les relations entre le bailleur et le locataire, et les conditions d'occupation aussi en propriété occupante. Donc, le logement de droit commun et ce qui sort du logement de droit commun. C'est pour ça que je disais comme une maladie, parce que ces formes, aussi nécessaires soient-elles, centres d'hébergement d'urgence, résidence sociale, foyer logement, etc., bon, ne sont pas du logement de droit commun. Alors, je vais maintenant, vous montrer des visages, justement, d'aujourd'hui, de la crise du logement, puis dans un deuxième temps, mais vous m'arrêterez si je prends trop de temps, je vais remonter au 19e siècle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette société de demandeurs? On est dans une société de demandeurs aujourd'hui, qui a des effets sociaux désastreux, hein, où on est en position, compte tenu encore une fois de ces déséquilibres entre l'offre et la demande, de demander un logement, un travail, un soin, etc. Une éducation correcte pour ses enfants. Donc tous ces biens sociaux se font rares, en particulier le logement, avec des effets désastreux. Parce que pas de logement, on voit bien dans le film que vous avez, que vous allez montrer tout à l'heure, que j'ai eu la chance de voir avant, bon, pas d'intimité. Pas de logements sociaux, pas d'inscription dans l'espace social, pas de lien durable. Hein. Donc, ces visages de la société de demandeurs sont plus profonds que ce qu'on peut voir juste en regardant une file d'attente, qui est déjà difficile à avoir. On attend, on se place en quémandeur, en demandeur, on se place donc dans une qui est déjà une position minorisée, où il faut, comme le dit un acteur des hébergeurs du secteur de l'hébergement social, adopter l'attitude humble du quémandeur. C'est pas sans effets sociaux. Alors, une autre figure plus dynamique de la demande, de cette société de la demande, c'est la manifestation et l'expression sur la place publique d'une demande. Je tourne pour un logement HLM. Alors, j'ai pris cette photo l'année dernière à Paris à l'occasion de ces rondes qui étaient organisées pour protester contre la réforme universitaire, mais qui a été l'occasion d'agréger des gens qui venaient exprimer autre chose. Et alors, ces personnes, c'est intéressant. L'un est squatteur, l'autre ne l'est pas. Il y en a un qui dort dans sa voiture, qui a été reconnu comme prioritaire d'ALO, je les ai interviewés après, et qui, au jour d'aujourd'hui, depuis le début, hein, je suis allée à l'audience au tribunal avec lui, il a toujours pas de logement. Et elle, je ne sais pas. Alors, quand je donne cette photo sans mettre de titre, on dit bah voilà, c'est une famille ordinaire avec la grand-mère, des enfants, ils sont installés confortablement dans un petit jardin. En réalité, c'est un squat à Marseille qui appartient à la collection de photos de Florence Bouillon, qui a écrit un beau livre qui s'appelle Les mondes du squat, qui est sa thèse qui a été primée par Le Monde. monde. Et donc, on voit que, bon, qu'est-ce qu'on voit, c'est que, alors ce squat, il a été expulsé, hein, il n'existe plus, il a duré moins d'un an, mais il permettait de, enfin, elle a étudié ce qui s'est passé dedans, et ça permettait d'accueillir des personnes nombreuses qui ont circulé autour d'un noyau familial qui était à l'origine de ce squat. Donc on peut aménager un espace de vie dans un habitat qui n'est pas légal, mais à grand risque, évidemment. Alors ça, c'est un autre visage de la crise du logement, la médiatisation, dont il y a des questions tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que, d'ailleurs on pourra peut-être en reparler cet après-midi avec les Roms, donc avec le fait que les projecteurs sont tout d'un coup braqués sur une situation particulière, emblématique évidemment, d'une crise ou d'un problème alors vraiment profond d'éthique politique, de politique tout court comme celle des Roms ou celle du mal logement. Ce qui a changé par rapport aux appels de l'abbé Pierre de 1954, c'est que précisément ces appels ne suffisent plus et que prendre place dans l'espace public comme le font l'ont fait les enfants de Don Quichotte près du canal Saint-Martin à Paris, a permis pour certains, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais de couper les files d'attente qu'on avait au début, hein, peut-être, et en tout cas de mettre sur la place publique un problème évidemment grave qui concerne tout le monde, mais qui pour l'instant, sauf déclaration donc de cette refondation de l'hébergement, n'aboutit pas à des solutions généralistes. Une autre figure de la crise du logement, c'est la marchandisation du logement, bien sûr. C'est-à-dire que, alors là, c'est une situation un peu particulière, puisque on a ici un acteur qui s'appelle ICAD, qui était une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Vous savez, c'est cette banque qui finance le logement social grâce aux épargnes des Français. Et cette société a récemment vendu tout son stock de logement social à des sociétés HLM qui ont racheté le stock. Alors, ça a fait l'objet d'un petit scandale. Ce sur quoi je veux mettre l'accent là, c'est sur le fait que, d'une part, il y a une révision générale. On l'a dit dans notre livre sur le logement social en Europe, tout est revu à la baisse au niveau du logement social, et tout le secteur logement se tourne vers la marchandisation du bien logement dans un contexte de laisser-faire. Donc, l'habitant, c'est devenu un client potentiel. Et puis, alors, à l'autre bout, n'avoir droit à rien. Être expulsé, c'est ce qu'on a vu il y a peu de temps, avec ici un camp rom en pleine à Saint-Denis, une photo donc du 16 août 2010. Et là, évidemment, il s'agit à la fois en effet d'une médiatisation, hein, on désigne les fauteurs de troubles, on appelle la compassion, mais en même temps on désigne des fauteurs de troubles à leur public. Avec la double peine qui est l'expulsion du logement ou de le faisant office de logement et l'expulsion du territoire en toute illégalité puisqu'il s'agit de personnes appartenant à la communauté européenne. Alors pour résumer, la société de la demande, qu'est-ce que c'est ? C'est une demande qui déborde les guichets, logement, travail, santé, éducation. C'est ce sont des biens sociaux insuffisamment protégés et de plus en plus inéquitablement répartis, hein, et le fait que on individualise, ceci individualise de plus en plus les rapports sociaux, où finalement le demandeur est mis en concurrence avec le demandeur d'à côté, ce qui produit aussi des normes plus dirigé vers un contrôle social accentué. Hein, parce que celui qui va gagner dans la compétition, celui qui est le plus logeable, le plus employable. Alors, état des lieux de cette crise du logement, une offre insuffisante et trop chère. Bon, il manque environ 900 000 logements, les chiffres sont pas, il y en a qui disent 500 000, mais que ce soit 500 000 ou 900 000, il en manque beaucoup. Ce n'est pas un phénomène uniquement français, c'est une question qui est européenne. Les associations européennes signalent au moins 3 millions de sans-abri hein, en Europe, sans-abri du tout, et entre 15 et 18 millions de personnes mal logées, donc on n'est pas devant un petit phénomène. Aux États-Unis, déjà avant la crise immobilière qui se poursuit, hein, qui n'est pas finie, la situation est aussi présente une proportion similaire de personnes mal logées ou non logées. Et alors on parlera peut-être d'autres situations dans le monde, c'est un phénomène mondial, évidemment. En Europe, on a des États qui interviennent encore un tout petit peu. Des solutions palliatives sont trouvées, c'est ce secteur de l'hébergement institutionnel, mais ce sont des solutions palliatives qui sont à la fois insuffisantes et qui coûtent cher. Donc qui sont aussi l'objet de critiques parce que ça coûte cher et c'est inefficace. Inefficace. Mise à l'abri n'est jamais inefficace, mais ce ne sont pas des solutions soutenables, durables. Alors, les conséquences sociales, c'est ce que j'ai évoqué en vous montrant les illustrations. Le droit commun est mis à l'épreuve de droit sans moyens. Hein. Le DALO, c'est un droit sans moyens ou avec peu de moyens. La responsabilisation individuelle, vous êtes responsable de votre situation et c'est à vous de vous protéger, par exemple, en devenant propriétaire. C'est évidemment quelque chose qui favorise les solutions individuelles au détriment d'une action collective. Et quand l'action collective existe, elle ne peut que, disons, bon, peut-être améliorer la place dans l'ensemble des demandeurs. Ceci étant un peu vite dit. Bon, et la concurrence généralisée, bien sûr, encouragée par l'insuffisance du bien logement. Et moins il y aura de logements, et plus ça va s'aggraver. Alors pourquoi tout ça? Donc j'arrive un peu à la deuxième partie de mon exposé. Le logement est aujourd'hui globalement laissé au marché privé, au marché tout court. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Après la Seconde Guerre mondiale, les États-providence, ce qu'on a appelé les États-providence, se sont organisés comme réponse politique pour protéger les sociétés et accompagner la croissance économique. Hein. Le contexte porteur, c'était tout de même une croissance économique très forte, hein, qu'on a appelée bon, les 30 glorieuses, etc. Alors, glorieuse pour presque tout le monde, pas pour tout le monde, mais tout de même un contexte économique porteur. Où, suite aux actions des philanthropes et puis des patrons, du patronat industriel bien organisé au 19e siècle, c'est le patronat qui a logé les ouvriers au départ. Hein, c'est pas le logement social. Le logement social, il est né d'une alliance entre les classes dirigeantes, les patrons qui avaient besoin de stabiliser une main-d'œuvre et une main-d'œuvre qui avait besoin d'être logée. Donc ce logement social, ensuite, relayé par les municipalités et l'État, s'organise. Et à partir du milieu des années 70, tout va changer. Je vais un peu vite, mais on essaie de résumer une politique. On estime chez les décideurs politiques que c'est plus la peine de construire du logement social de manière aussi massive, c'est plus la peine d'aider donc directement les constructeurs, ce qu'on appelle l'aide à la pierre, et on va encourager le tout propriétaire, hein, on va faire une France de propriétaires, la formule vient de cette époque. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans les années suivantes? C'est que finalement, ce projet-là, il entre en choc brutal avec une société qui n'est pas si stable que ça, une croissance qui régresse, une mondialisation qui organise une nouvelle division internationale du travail et qui crée de la richesse mais aussi de la pauvreté, qui crée disons, à ce que les sociologues de la mondialisation appellent des processus de périphérisation, c'est-à-dire que il y a des secteurs entiers, des territoires entiers, ou des catégories sociales qui sont marginalisées. C'est le travail au noir, c'est le travail en miettes, comme on a dit, etc. Et l'État-providence dépérit parce qu'il ne parvient plus ou il ne veut plus assurer une protection généralisée sur la base du salariat, la société salariale se délitant elle-même. Et au final, les politiques publiques, donc aujourd'hui, je crois que enfin, c'est clair, c'est pas quelque chose de provocateur de le dire, ne veulent plus corriger le marché. Et l'État-providence, c'était bien ça, c'était un État qui se donnait les moyens d'agir sur les marchés pour les corriger si la justice sociale n'était pas atteinte ou n'était pas atteinte dans des proportions satisfaisantes. Donc, ne plus agir sur les marchés, en un mot, ça veut dire laisser faire la spéculation immobilière. Alors, on dit qu'on est passé de l'État-providence à l'État-facilitateur ou à l'État-arbitre. Mais il y a bien, disons, une déperdition de protection et d'intervention de l'État sur le marché. Alors, du point de vue des politiques du logement, pour essayer de résumer les choses, ça veut dire que c'est la fin de ce qu'on appelle les politiques généralistes du volet logement, c'est-à-dire faire en sorte que chacun accède à un logement par le biais du logement social ou pas. Ce sont des délégations de missions de service public. C'est-à-dire, l'État dit, voilà, vous, tiers secteur, association, etc., vous allez vous occuper du volet assistentiel, on va vous subventionner, et de moins en moins pour ça. Donc, on sépare l'assistance de l'assurance, et ça, c'est grave, parce que ça met en cause, justement, une politique qui s'adresse à tous. Le logement social est affaibli parce qu'il est moins subventionné et qu'il doit loger les plus pauvres et en même temps assurer un équilibre social dans les quartiers. Bon, ce terme étant évidemment problématique, mais on parle de mixité. En tout cas, un logement social qui a du mal à assurer sa mission. Et l'orientation des politiques publiques et des dépenses de l'État sont nettement orientés vers le privé. C'est-à-dire tout ce qui est aujourd'hui encouragé via des défiscalisations ou via même l'aide au logement ne favorise pas le secteur public. Donc du coup, bon, moi je suis sociologue, donc j'essaie de voir qu'est-ce que ça a comme impact sur le social, c'est-à-dire sur comment on vit ensemble dans la société. On voit bien qu'on passe d'une approche collective et redistributive qui était fondée en partie sur la propriété sociale, c'est-à-dire une propriété du logement qui soit socialisée, qui soit à tous, et une approche individualisée qui est basée sur la personne et la responsabilisation de la personne. À vous de vous protéger. On passe aussi d'un contenu de promotion et de protection collective de toute une classe, à l'origine les salariés, a donc ce contenu de responsabilisation individuelle, protection du risque individuel. Bon, il y a encore une sécurité sociale, il y a encore des retraites, mais on voit bien à quoi on s'attaque aujourd'hui. Et on passe aussi d'une approche donc généraliste à une approche segmentée, ce qui est aussi un problème en termes, disons, de cohésion sociale, c'est-à-dire que si on identifie des groupes à risque, si on essaie de prioritariser, je ne sais pas si ça existe, enfin, d'établir des priorités, qui est plus propriétaire de qui ? Hier, j'avais une réunion de travail, on disait, voilà, dans telle commune de la banlieue parisienne, le conseil municipal a voté 13 priorités. Bon, alors, il y a 13 priorités, sauf que les priorités se superposent. On peut être prioritaire parce qu'on dort dans sa voiture, mais si on est un homme seul, on n'est pas prioritaire parce qu'il y a une famille, une femme avec enfant et qui est enceinte qui passe devant. Donc voilà, la gestion des priorités est a priori mission impossible en période de pénurie. Donc je vais me retourner à des bases, à des classiques, et je ne donne pas tout de suite, mais enfin vous allez peut-être reconnaître. Voilà, la crise du logement, à laquelle la presse de nos jours porte une si grande attention, ne réside pas dans le fait universel que la classe ouvrière est mal logée et vit dans des logis surpeuplés malsains. Cette crise du logement-là n'est pas une particularité du moment présent. Elle n'est pas même un de ces maux qui soit propre au prolétariat moderne et qui le distinguerait de toutes les classes opprimées qui l'ont précédé. Bien au contraire, toutes les classes opprimées de tous les temps en ont été à peu près également touchées. Alors, ça veut dire que la crise n'est pas propre à notre époque, la crise n'est pas propre à la classe ouvrière, c'est quelque chose qui touche de manière structurelle toutes les catégories opprimées. Là, on parle de prolétariat, je vais vous dire tout de suite, dans 3 minutes, qui est ce texte. La suite, c'est là. Donc une crise qui n'est pas limitée à la classe ouvrière. Ce qu'on entend de nos jours par crise du logement, c'est l'aggravation particulière des mauvaises conditions d'habitation des travailleurs par brusque afflux de la population vers les grandes villes. C'est une énorme augmentation des loyers. Ils ont doublé depuis 10 ans, hein, en France. C'est un entassement encore accru de locataires dans chaque maison, ce qu'on appelle la suroccupation, et pour quelques-uns, l'impossibilité de trouver même à se loger. Et si cette crise de logement fait tant parler d'elle, c'est qu'elle n'est pas limitée à la classe ouvrière, mais qu'elle atteint également la petite bourgeoisie. Je continue avec mon auteur, qui parle de boniments sociaux et de rafistolage. Alors, les boniments sociaux, c'est de votre faute, c'est-à-dire on culpabilise les pauvres, les travailleurs pauvres, travailleurs ou pas, ceux qui n'arrivent pas à pourvoir à leurs propres besoins, enfin, qui n'arrivent pas à se procurer les ressources suffisantes pour satisfaire leurs propres besoins. Et c'est ce qui est dans le collimateur, là, c'est le réformisme, un réformisme qui prône la petite propriété comme remède à la crise. Donc, ce fut donc cette crise aiguë du logement, symptôme de la révolution industrielle en train de s'accomplir en Allemagne, vous voyez, en fait, on est loin, qui remplit alors la presse de discussions sur la question du logement et donna lieu à tout un déballage de boniments sociaux vers de propositions palliatives, hein, devenez propriétaire, rendre l'ouvrier propriétaire, ou bien débrouillez-vous, c'est le principe malthusien, hein, l'État ne doit rien à personne, c'est les gens qui doivent donner à manger à leurs enfants et se loger et trouver leurs ressources. Alors, excusez-moi, voilà l'auteur, c'est Frédéric Engels et c'est un texte qui date de 1872. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Même cette extension de la crise à la petite bourgeoisie, le fait que les loyers augmentent, la question de la spéculation immobilière et cette fameuse phrase enfin, qui est souvent citée, que j'ai mis en gras là. Alors, d'où provient la crise du logement ? Bon, alors, quand le propriétaire a la main, surtout parce qu'il y a tellement de demandes que l'offre fait la loi, hein, en régime de biens rares, si vous vendez quelque chose et que vous avez un acheteur, il n'y a pas de négociation. Si il y en a 100, vous faites ce que vous voulez. Bon. Dans une telle société, la crise du logement n'est pas un hasard, c'est une institution nécessaire. Donc là, on est quand même au cœur de la question, à mon avis. Finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre à bas cette institution qui est que le propriétaire, en sa qualité de capitaliste, comme disait Engels avec les mots de l'époque, a un droit quasiment illimité sur la vie de l'autre, puisque en réalité il s'agit d'un bien de première nécessité. Alors, voilà comment c'est formulé par un autre sociologue, Maurice Alvax, dans son petit livre. C'était un militant socialiste qui a participé au mouvement de la municipalisation du logement social. Et dans son petit livre sur la politique foncière des municipalités, voilà ce qu'il dit. L'exploitation des immeubles et la spéculation sur les terrains ne sont pas des entreprises comme les autres, parce qu'elles constituent des monopoles porte sur un service général et de première nécessité. Ça, c'est très important parce que ça a 3 conséquences. 1, le logement est un service d'intérêt général, ce que revendiquent aujourd'hui les acteurs européens du logement social qui voudraient voir l'Europe s'engager sur service d'intérêt général. Deux, la valeur du logement, elle est collective. C'est-à-dire que la valeur du logement, elle est créée en réalité par l'investissement collectif. Ce qui fait la valeur d'un logement, ben, c'est évident, c'est ce qu'il y a autour. C'est les dessertes en moyen de transport, c'est l'environnement humain, la possibilité de chalandise, de marchandises, de circulation des biens. Voilà. Donc c'est un bien social, dans sa définition même. Et donc, ce que dit Alvax, et ce que prônent d'autres aujourd'hui qui voudraient refonder une vraie propriété sociale du logement, c'est que les collectivités, ou la collectivité, doit se réapproprier cette part sociale du bien-logement. Alors, les perspectives, c'est ma dernière diapo, et j'ai fini. Donc, qu'est-ce que c'est, refonder la propriété sociale? Alors, l'analyse marxiste du 19e siècle, je vous ai cité Engels, bon, Engels, Marx et les autres, pour mettre fin à cette crise du logement, il n'y a qu'un moyen, éliminer purement et simplement l'exploitation et l'oppression de la classe laborieuse par la classe dominante. Bon. Alors, on est dans un projet, là, de révolution totale. Les autres perspectives, c'est quoi ? La perspective libérale capitalistique d'aujourd'hui, enfin, qui était déjà celle de l'époque, on divise, la société est divisée entre ceux qui peuvent devenir propriétaires, c'est le 70% de propriétaires de Sarkozy, annoncé dans son discours de Vendreuve-les-Nancy il y a 2 ans, 70% de propriétaires, une France de 70% de propriétaires. On voit bien qu'on n'y arrive pas, on est à 56% et y a plus de primo-accédants, il y a de moins en moins, parce que c'est de plus en plus difficile, on pourra en parler. Et puis donc, d'un côté, ceux qui sont du côté de la propriété privée du logement et les groupes défavorisés, alors qui doivent... trouver leur place dans un logement social de moins en moins ouvert et dans des solutions palliatives d'hébergement. Et puis la perspective sociale, sociale au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'un projet qui vise à rétablir le logement dans sa nature de propriété sociale, et dans ce cas-là, ça veut dire évidemment la maîtrise des loyers et un investissement public réorienté, c'est-à-dire une vraie politique de logement. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup.